Né en 1867, Jean Rictus s'est rendu célèbre avec ses « Soliloques du pauvre », publiés en 1899. Dans un mélange de français et d'argot, il a su mieux que quiconque défendre les humbles et les laisser pour compte, comme en témoigne sa version toute personnelle du « Notre Père ». En argot, le dab ou le daron, c'est le père, le patron. « Notre dab », qu'on dit aux cieux. C'est-y qu'on ne pourrait pas s'entendre ? Notre daron qui est si loin, si aveugle, si sourd et si vieux. C'est-y qu'on ne pourrait pas s'entendre ? Que notre effort soit sanctifié. Que notre règne arrive, à nous, les pauvres, puis si longtemps. C'est-y qu'on ne pourrait pas s'entendre ? Sur la terre où nous souffrons, où l'on nous a crucifiés, bien plus longtemps que votre pauvre fieu, qui a déjà voulu nous dessaler. C'est-y qu'on ne pourrait pas s'entendre ? Que notre volonté soit faite, car on voudrait le monde en fête, de la vraie justice et de la bonté. C'est-y qu'on ne pourrait pas s'entendre ? Donnez-nous tous les jours le bricheton régulier. Autrement, nous tâcherons de le prendre. Faites qu'un gars qui meurt de misère, soyez plus qu'un quatre et singulier. C'est-y qu'on ne pourrait pas s'entendre ? Donnez-nous le poil et la fierté, et l'estomac de nous défendre. Des fois, qu'on ne pourrait pas s'entendre. Pardonnez-nous les offenses que l'on nous fait et qu'on laisse faire, et ne nous laissez pas succomber à la tentation de nous endormir dans la misère, et délivrez-nous de la douleur. Ainsi soit-il.